petit coup de Beatles. Jamais

t'ai trop fait pleurer. Demain, tu peux gagner. Today, my love has gone away. The bottle stands for love, a symbol of the Step on.

n'est plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs. Soudain sur moi, elle se jette, mais pas une dans mon cœur. Dans la nuit, je file tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Il me faut rire et danser. Oui, le spectacle terminé, s'en aller ailleurs au lever du jour. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient. Mais s'ils pouvaient savoir dans la vie combien tout seul je suis, combien tout seul je suis. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie là où est à nous que la joie vienne. Mais oui, l'île est finie. Nous irons danser, danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis. Laissez d'y penser, j'en perds la tête. Ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant ta crème, nous pourrons parler de notre vie. Laissons au tableau tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Pour aller danser, danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées, aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer parfois par toi. Où je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans

grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit d'Annie donnent à ses baisers un goût amusé lorsqu'elle n'a sur sa langue que le petit bâton. Elle prend ses jambes. Can't you be hate to be true. You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. A Cadillac setting like a tornado, 110 a half a mile ahead. A Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you want to do. But honey, lay off of my shoes. Step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. My liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. We'll be right back.

I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for you men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? If I were alive, I felt the whole world was so jive. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. Oh, it's fun to stay in the YMCA. It's fun to stay in the Baker, put your hands in the air and give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. In our Chicago.

It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. For Africa.

son sang. J'ai dit non aux agressions, j'ai fait face à mes doutes. Je suis prête à te donner ce que tu attends de moi. Je danse en silence au rythme des étoiles. Je veux vivre là où la douleur n'existe pas. Je veux vivre, je veux vivre tout simplement. Tout simplement. Je veux vivre tout simplement. J'ai perdu la mémoire, peu importe. L'avenir tape chaque matin à ma porte. Je vois les sourires, tes regards pleins de lumière, la douceur de tes mots. J'ai besoin de chacun de ces instants, même si la vie est éphémère. Je danse en silence au rythme des étoiles. Je veux vivre. A decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Uma carta de Jair Bolsonaro, lida nas últimas horas por Flávio Bolsonaro, que é assim apontado como candidato às